3. Comprendre une émission à la radio. Activité 1. Radio France, il est 8h. Aujourd'hui en France, il y a beaucoup de neige. Les conditions sont idéales pour faire du ski. Il y a 6 mètres de neige à Cotterêts dans les Hautes-Pyrénées. C'est un record. Il y aura du soleil dans toute la France. Les températures seront froides. Moins 10 degrés à Strasbourg, moins 2 à Nantes, moins 4 à Paris, 0 à Montpellier et 1 à Marseille. Attention à Strasbourg, il y a du verglas sur les routes. Les bus ne circulent pas. Exceptionnellement, les écoles seront fermées. Si c'est possible, n'utilisez pas votre voiture et restez à la maison.